président de la République, ancien soldat de 14, a tenu à présider à Moussy-le-Vieux l'inauguration du monument élevé au colonel Picot, qui fonda en 1921 l'Union des blessés de la face. On sait l'importance de cette œuvre qui a consolé, aidé, soigné, et qui console, aide et soigne encore ces blessés dont on peut dire qu'ils sont plus blessés que les autres. Plus que les autres, en effet, il leur fallait du courage pour rentrer dans la vie, pour reprendre une place au milieu de tous. Le colonel Picot et son œuvre des gueules cassées les auront magnifiquement aidés dans cet effort. Ils ont choisi, eux, de rester des hommes. Chère mademoiselle cœur solitaire, j'ai 16 ans maintenant et je ne sais pas quoi faire. J'aimerais bien si vous pouviez me dire ce que je dois faire. Quand j'étais petite, ce n'était pas aussi grave parce que je m'étais habituée à entendre les garçons du quartier se moquer de moi. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir des amis, comme les autres filles, pour sortir les samedis soirs. Mais les garçons ne veulent pas de moi parce que je suis née sans nez. Et pourtant, je danse bien et j'ai un joli corps et mon père m'achète de beaux habits. Je reste assise à me regarder toute la journée et je pleure. J'ai un gros trou au milieu de la figure qui fait peur aux gens, même à moi. Alors je ne peux pas en vouloir aux garçons de ne pas vouloir sortir avec moi. Maman m'aime, mais elle pleure quand elle me regarde. C'est affreux. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un sort aussi horrible? Même si j'ai fait des mauvaises choses, c'était pas avant d'avoir un an, et de toute façon, je suis née comme ça. J'ai demandé à papa et il a dit qu'il ne sait pas, mais que peut-être j'ai fait quelque chose dans l'autre monde avant ma naissance, ou que peut-être j'ai été punie pour ses péchés. Mais je ne crois pas parce qu'il est très gentil. Est-ce que je devrais me suicider? Amicalement, désespéré. Bonjour, professeur Laurent Lantieri. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes chef de service de chirurgie plastique et reconstructrice à l'hôpital Pompidou à Paris. Vous avez réalisé la première greffe totale du visage en 2010, de l'Union des blessés de la face, dont on a entendu une archive, hein, c'était en 1957, l'inauguration du monument du colonel Picot, jusqu'au témoignage de cette jeune fille qui est née défigurée. Quel type de handicap représente le fait d'avoir un visage défiguré, précisément, selon vous ? Intéressant, à la fois les deux éléments que vous avez montrés, à la fois cette jeune femme qui a une malformation congénitale, et j'ai traité des patients qui avaient des malformations congénitales, c'est difficile. Heureusement, depuis des années, la France a été leader pour la réparation avec Paul Tessier. Et puis, ces gueules cassées, c'est quelque chose de particulier. J'étais il y a quelques jours à l'hôpital Percy, l'hôpital d'instruction des armées de Percy, et je discutais avec mon collègue, le professeur Bay, qui est chirurgien plasticien comme moi, et on discutait des blessés sur le champ de bataille, puisqu'il y en a qui viennent du Mali. Et la plupart ont des blessés des membres, ce sont des blessés des membres. C'est déjà un traumatisme important. Il y a quelques blessés de la face, et les blessés de la face, le ressenti du patient est beaucoup plus important. Alors que la fonction, c'est ça, n'est pas la même. On pourrait dire quelle est la fonction d'une face. Bah, c'est la fonction de la relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui rend l'analyse la plus difficile sur savoir qu'est-ce qu'on restaure lorsqu'on restaure une face. Et pour la petite histoire du colonel Picot, il se trouve que, et des gueules cassées, il se trouve qu'il y a 3 mois maintenant, nous avons greffé avec l'équipe de Percy un jeune militaire du rang qui a été blessé au Mali et qui a eu un traumatisme très grave de la face, et pour laquelle les collègues de Percy m'ont appelé en disant il y a besoin d'une greffe. Il a été en liste d'attente pendant 1 an, il a été greffé il y a 3 mois. Et après sa greffe, il me dit, est-ce que vous avez une relation avec la présidence de la République? Je dis non, pas directement. Il me dit, parce que le président m'a promis qu'il reviendrait me voir. Et en fait, il avait rencontré le président lors d'un 14 juillet, alors qu'il était encore blessé avec son masque, il avait enlevé son masque, et le président avait reculé en voyant cette face. Et je lui dis, mais ça m'évoque tout à fait le colonel Picot. Pour l'histoire du colonel Picot, l'histoire des gueules cassées, le colonel Picot était blessé, donc il était au Val-de-Grâce, maintenant le Val-de-Grâce est fermé, maintenant c'est Percy, et entend qu'il y a une cérémonie pour les blessés de guerre à l'Assemblée nationale. Il va à l'Assemblée nationale, il veut rentrer, et on lui dit, mais colonel Picot, vous n'êtes pas invité. Et donc il ressort en grommelant et arrive derrière lui un député qui monte sa carte en disant « Député, on le fait rentrer ». Le colonel Picot revient, enlève son masque et fait « Colonel Picot, gueule cassée ». Et à ce moment-là, il rentre. Et ça m'a évoqué la même histoire avec le président qui recule. Et il se trouve qu'il y a 48 heures, le président a invité Axel et nous a invités pour une rencontre qui a été une rencontre intime où il a pu s'exprimer et respecter sa promesse de le voir. Oui. C'était important. C'est intéressant ce mouvement de recul, voire de rejet que vous décrivez, en tout cas qu'on vous a rapporté, parce que c'est précisément là où se situe peut-être la possibilité d'identifier le fait d'être défiguré, une sorte de handicap. En tout cas, ça crée un malaise et ça nous met un peu à côté du reste de la société, non ? Ça le met complètement, et puis quand on regarde un petit peu de philosophie et qu'on lit les écrits de Lévinas, j'ai pas lu beaucoup de philosophie, mais ça c'est des sujets que j'ai lus, et qu'on voit que l'éthique, c'est l'éthique de l'autre, et l'éthique du visage de l'autre, ouais. Contrairement à l'éthique du devoir de Kant, qui est importante. Et là on voit à quel point, dans une société aujourd'hui qui est une société moderne, une société où nos besoins sont tout à fait accomplis, le fait de pouvoir avoir la relation à l'autre, à l'altérité et au handicap, est importante, et le handicap visuel est encore plus important. Donc vous considérez le fait d'être défiguré comme un handicap ? Oui, je considère comme un handicap. Je pourrais dire aussi que le fait d'avoir un sein en moins, puisque c'est une de mes activités les plus importantes, je reconstruis les seins, est un handicap. C'est pas juste une coquetterie de vouloir reconstruire un sein. C'est un élément important. Un sein chez une femme qui a eu une mastectomie, je ne lui restaure pas une fonction. La fonction est purement une fonction allaitante, et donc c'est pas la fonction qui est dans le handicap, c'est dans cette qualité de vie. Et en fait, l'altération la plus importante, c'est la qualité de vie. Des patients qui sont handicapés, qui sont amputés, vivent très bien, ont une qualité de vie, et d'autres nécessitent de la réparation pour atteindre le niveau de qualité de vie auquel nous avons tous droit. Donc le handicap, ce serait ça, ce serait le fait de ne pas pouvoir atteindre le niveau de qualité de vie auquel nous pouvons prétendre ? C'est ce que je ressens. C'est, de toute façon, ma chirurgie en tant que chirurgien plasticien, je ne fais pas une chirurgie vitale, même si de temps en temps je sauve des vies parce que je traite des cancers, mais globalement, ma chirurgie est une chirurgie de qualité de vie. Et le soin que j'apporte, c'est d'améliorer la qualité de vie et d'essayer de restaurer la qualité de vie auprès des patients. Et aujourd'hui, il faut bien voir que dans le système de santé dans lequel nous avons, où nous posons des questions, qu'est-ce que nous devons faire avec les soins par rapport à la population, il faut remettre à la réalité, c'est qu'un traitement n'a que deux fonctions. Soit il augmente la durée de vie, soit il augmente la qualité de vie. Et parfois, il peut augmenter la durée de vie en altérant la qualité de vie. Et c'est à ce regard-là que nous devons voir ce que nous devons faire pour traiter les patients et pour restaurer le handicap. Le handicap, il y a une partie sociale, donc restaurer quelque chose pour que socialement les patients puissent aller mieux, mais ce n'est pas suffisant. Là, on ne répond que sur une partie. La partie chirurgicale, la partie réparation, la partie rééducation est extrêmement importante. Oui, et par qualité de vie, il faut entendre pas simplement manière de vivre, mais manière d'apparaître au monde, au fond, puisque nous parlons du visage, c'est le lieu de l'identité, c'est le lieu du rapport, certes, aux autres, mais également à soi-même, et au fond, si c'est pas... On peut vivre sans visage, on peut ne pas mourir si le visage est défiguré. En revanche, la vie est complètement altérée, le rapport à l'identité aussi. Oui, c'est ce qu'on ressent sur le problème, justement, qualité de vie. Est-ce que cette qualité de vie est devenue nulle ? C'est-à-dire que la vie n'a pas de réalité. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté dans les greffes que j'ai faites, c'est que lorsque l'objectif était d'améliorer la qualité de vie des patients, mais au prix d'un traitement et d'un risque extrêmement important. Le rapport entre ce risque que l'on prend, le risque vital... Le patient peut mourir à l'issue de l'opération. Le patient peut mourir à l'issue de l'opération, il peut mourir à distance d'un rejet qui peut intervenir 10 ans ou 15 ans plus tard, il peut mourir d'une infection, il peut mourir de tas de choses, et c'est parce qu'on l'a mis dans... on lui a fait, entre guillemets, subir un traitement pour pouvoir accepter une greffe. Et ça, c'était tout le débat qui a été lorsqu'on a commencé ce programme de greffe de face. Et je distingue bien greffe de face et greffe de visage. Alors j'allais vous dire, oui, quelle différence entre la face greffe, et visage? La face, le français a deux mots. La face, c'est le visage. L'anglais n'a qu'un seul mot, the face. Et le visage, c'est l'expression de la personne. Vous avez un visage, mais il est sous-tendu par une face. La face, c'est la structure anatomique. La structure anatomique avec les muscles, les os, les nerfs, les vaisseaux. Nous, ce que nous transplantons, c'est une face, afin que le patient puisse retrouver un visage. Le visage qu'il va avoir n'est sûrement pas le visage du donneur, même si des éléments de la face du donneur vont sur le receveur. Cette distinction philosophique, elle me paraît extrêmement importante pour comprendre ce que nous faisons. Ça n'est qu'une transplantation d'organes. On ne change pas la personnalité en changeant en transférant un visage de l'un à l'autre. C'est pas le film Volte-face, un face-off, où on voit Nicolas Cage et John Travolta qui échangent leur visage, et à un moment il y a des scènes où ça change leur personnalité. C'est intéressant parce qu'effectivement les blessés de la face, les mutilés de la face et les qui nécessitent ce type de traitement ont une altération de la personnalité qui est liée au fait qu'ils ont cette difficulté. Mais malgré tout, on ne transfère pas la personnalité. Et je combats fermement tout ce qui dit que quand on transfère un organe, on peut ressentir ce que le donneur avait. Ah oui, j'aimais pas la tarte au citron, maintenant j'aime la tarte au citron. C'est totalement faux. C'est totalement faux, c'est une vision qui est fausse. C'est une vision qui pourrait penser que nous ne sommes qu'une somme d'éléments. C'est une vision très mécanistique de l'anatomie. Et non, nous sommes un organisme complexe. L'homme est un organisme complexe. Et un organisme complexe, c'est pas la somme des organismes simples. Donc ces greffes que nous faisons, voire restaurer un visage, mais nous transférons que la face. L'opération s'est déroulée dans le plus grand secret. Derrière les murs du CHU d'Amiens, une première mondiale, la greffe partielle d'un visage. Mordue par un chien, la patiente était défigurée. Le bout de son nez, ses lèvres et son menton arrachés. Des lésions faciales graves, impossibles à réparer par des techniques de chirurgie classique. C'est un spécialiste des transplantations, le professeur Dubernard, auteur il y a 5 ans de la première double greffe des mains, et son confrère Bernard de Vauchel qui ont réalisé l'opération. Cette chirurgie reconstructrice n'est pas remise en cause en soi, mais la qualité des prestations que nous offrions était liée, bien évidemment, à notre capacité à suivre nos malades en post-opératoire. 4 jours après l'opération, la patiente se porte bien et l'aspect du greffon est normal. Une opération à risque. L'équipe a prélevé sur un cadavre la peau, les artères du visage et les nerfs faciaux. Dimanche dernier, une donneuse compatible décède à Lille. Immédiatement, le greffon est acheminé à Amiens pour réaliser l'opération. Depuis plusieurs années, une autre équipe française, dirigée par le professeur Lantieri, travaille sur ces greffes. Et le professeur Lantieri qui est avec nous en studio ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie, dans cette 3e émission de notre série sur le handicap. Pouvez-vous nous préciser la différence entre une greffe partielle et une greffe totale? Partielle, c'est qu'une partie du visage est totale? Alors, cette notion de greffe partielle et greffe totale, c'est une notion que j'avais mis en avant justement pour essayer de faire comprendre qu'on ne greffe pas un visage, qu'on greffe des structures anatomiques dont on a besoin. Ouais. Alors en plus, la greffe partielle que j'avais, les protocoles sur lesquels on a travaillé, que j'avais transmis à Bernard de Vauchel pour qu'il puisse faire sa greffe, s'adressait, on a différents problèmes techniques, et le problème de la partie haute de la face, ce sont les muscles des paupières, ce qu'on appelle l'orbiculaire, où je n'avais pas à l'époque trouvé les solutions pour pouvoir le faire, et la partie basse, c'est le muscle des lèvres, l'orbiculaire des lèvres, avec les structures qui vont avec, où là, j'avais pu trouver la technique pour pouvoir le faire. Et donc cette notion de greffe partielle, elle était voulue, et aussi pour faire comprendre qu'en fait, on ne transférait pas le visage de l'un à l'autre, on ne faisait pas une transformation de la personnalité, que c'est pas le visage d'un mort qui allait circuler, c'était juste une réparation que l'on faisait grâce aux éléments qu'on prenait à un donneur. Comme on fait une réparation d'un patient qui a besoin d'un foie ou qui a besoin d'un cœur, on le prend sur un donneur. Et je crois que ce qui est important de comprendre dans la greffe d'organes, puisqu'on parle aussi de la greffe et de l'éthique de ce que ça représente, oui, c'est que souvent on dit les donneurs, les receveurs, il faut qu'ils remercient leurs donneurs. Je dis non. C'est à nous, médecins, de remercier d'abord la société de nous autoriser de prélever sur des personnes décédées. J'aime pas le terme cadavre parce que ce sont pas des cadavres, des personnes décédées. C'est quelle différence ? Le cadavre, c'est ce qui reste une fois que tout est arrêté. On n'a pas un cadavre, on a un patient qui est décédé. Et ce que l'on prélève, c'est sur quelqu'un qui a une mort cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau est détruit, et donc il n'y a plus de fonction, et on considère que c'est la mort, même si les organes sont vivants. C'est une difficulté à bien comprendre, et jusqu'au XXe siècle, on n'avait pas du tout cette notion de la différence entre la mort cérébrale et la mort, enfin, que la mort cérébrale était le premier élément de la mort, et même certains pays ont mis plus de temps à accepter ça comme étant un élément de mort. De même que puisqu'on parle de philosophie, jusqu'à Marie Shelley, jusqu'à Frankenstein, cette idée que l'on pouvait reconstruire un corps humain avec différentes structures anatomiques n'existait pas. Et donc toute la philosophie antique, d'ailleurs, ne parle pas du tout du mythe d'un homme reconstruit, même s'il y a le Minotaure et tout ce qui va avec. Mais globalement, ça n'existe pas. Et le mythe fondateur des greffes, c'est vraiment le mythe de Mary Shelley et de Frankenstein. Donc la loi fait de nous, en tout cas, des donneurs automatiques. Automatique n'est pas le terme, des donneurs supposés. Et parce qu'il faut exprimer un refus explicite pour c'est ne ça. Pas. Donc on est des donneurs supposés. D'accord. Et il faut exprimer son refus pour ne pas qu'on prélève. Mais cela dit, il y a quand même une différence très importante lorsque l'on prélève un organe interne et un organe externe. L'organe externe, ce sont les mains, les faces, hein, parce que j'ai fait aussi des greffes de mains. Lorsque vous êtes vivant, vous avez conscience de vos organes externes, mais vous n'avez pas conscience de vos organes internes. Lorsque vous êtes mort, vous n'avez pas de conscience par définition, mais votre famille a conscience de vos organes externes. Donc il est très important de bien comprendre que, alors que prélever un organe interne, il n'y a pas de conscience, il est logique de le prélever parce que il n'y a pas de patrimonialité du corps, ça, le corps n'appartient à personne, et donc on peut le prélever sur un organe qui est externe, comme une main, une face, ou la peau que l'on prélève aussi pour traiter les grands brûlés. Avoir une forme d'acceptation de la famille, c'est pas une autorisation, une forme d'acceptation est importante. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait ces prélèvements de face, on va restaurer la face, on fait un moulage et on fait un masque pour pouvoir restaurer la face. Et pour la petite histoire, une fois je monte dans un avion et une hôtesse m'interpelle, me dit « Professeur Lantieri ». Je dis « Oui ». Elle me dit « La greffe de la face et des deux mains, c'était mon père ». Et je ne comprends pas parce que le receveur n'avait pas d'enfant. Elle me dit « Oui, le donneur, c'était mon père ». Une chance sur un million que ça arrive. Hein. Et elle me dit « Je voulais vous remercier parce que la manière dont vous avez traité mon père... » et dans la manière dont vous vous êtes occupé, et la manière dont vous en avez parlé, c'était pour nous important, c'était une démarche importante. Je ne sais plus si elle a utilisé le terme éthique ou pas, mais j'ai trouvé que c'était important de comprendre, d'avoir ce contact que je n'ai jamais eu par la suite, qui est assez exceptionnel, de la famille d'un donneur sur un don aussi important que celui du don d'une face. Donc concrètement, si une famille peut-elle s'opposer au don de la face de, par exemple, du père, oui, à quelqu'un d'autre ? C'est pas aussi simple que ça. En fait, lorsqu'on va prélever des organes, donc c'est pas moi qui m'en occupe, il y a l'organisme qui est l'agence de la biomédecine, et il y a des coordinateurs de prélèvement, ils vont parler aux familles. Et là, on voit bien quelle est la disposition des familles. Il y a des familles qui, d'emblée, ont dit « nous sommes pour le don d'organes, il était pour, c'était important pour lui ». À ce moment-là, on peut faire la démarche suivante et dire « oui, il était pour, mais est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on prélève autre chose que les organes internes ?» C'est ça, on pense pas au visage quand et donc, on pense au don d'organes. Forcément qu'on en a parlé. Et donc, à ce moment-là, cette démarche peut se faire. Évidemment, quand vous avez des familles où on n'en a pas du tout parlé, où c'est quelque chose qui est quasiment proscrit pour des raisons philosophiques, religieuses ou d'autres, on ne peut pas aller plus loin que le prélèvement des organes internes lorsqu'ils sont nécessaires. Est-ce que n'importe quel visage peut aller à n'importe quel visage ? Alors, c'est une bonne question. Les journalistes ne m'ont jamais posé les questions après les premières greffes que j'ai faites. Est-ce qu'on pourrait mettre une face noire sur un homme blanc ? En théorie, on peut, d'un point de vue finalité, pour pouvoir retrouver une intégration sociale, ça me paraît une mauvaise idée. Mais historiquement, la première greffe de membres rapportée dans la littérature date du 4e siècle, entre Saint-Côme et Saint-Damien. Saint-Côme et Saint-Damien avaient greffé une jambe d'un serviteur noir, mort et mort en même temps, à son maître. Alors ça a dû marcher parce qu'ils ont été canonisés tous les deux, donc ça a marché. Ils l'ont pas publié dans une grande revue internationale comme le New England Journal of Medicine ou le Lancet, mais globalement ça permettait de voir. Il y a eu un débat dans l'Église catholique de l'époque sur l'unicité de la race humaine, justement sur le fait que on pouvait en théorie. Alors en pratique non, vous allez prendre une main blanche pour un blanc, vous allez prendre une main de femme pour une femme. Il y a le genre aussi. Alors le genre aussi est important. On s'est posé la question, en particulier sur les mains, parce que c'est une question de morphologie. Vous avez des mains masculines qui sont très fines et des mains féminines qui peuvent être très épaisses. On s'est posé la question, et pour les faces aussi, parce que si vous mettez une face féminine sur un homme, avec les hormones, la barbe va pousser. L'inverse, une fois que la barbe est poussée, elle ne revient pas en arrière. Mais donc ça, c'est un autre problème. Mais globalement, on s'est posé la question, et en fait, on a dit qu'on ne voulait pas le faire, pas tellement pour le receveur, quoique ça aurait pu poser des problèmes d'identification, mais par rapport aux familles, parce que les familles ne comprendraient pas. On s'est dit que les familles auraient du mal à comprendre si on greffe une face de femme sur un homme, ou d'un homme sur une femme, ou d'une main de femme sur un homme. Donc on s'est restreint à garder le sexe du donneur pour le sexe du receveur. Comment faites-vous pour, vous dites « on », j'imagine les chirurgiens plastiques, alors quel est le terme exact ? Chirurgie plastique et reconstructrice. Et reconstructrice. Est-ce que vous faites, vous demandez son avis au Conseil national, consultatif national d'éthique pour trancher sur ses réflexions éthiques ? Alors, sur la greffe de face, j'avais demandé son avis. Et je dois avouer que le Comité national d'éthique, qui avait pris un nombre d'années absolument considérable pour répondre à une question qui n'était peut-être pas simple, mais qui était une question malgré tout. Et pourquoi je l'avais demandé ? Parce que on abordait quelque chose qui me paraissait différent des greffes précédentes, quand on abordait la face, le visage, justement parce qu'il y avait cette notion de visage, parce qu'il y avait une notion philosophique sous-jacente, parce qu'il y avait une notion de don d'organes, que c'était un prélèvement qui était un prélèvement qui était un prélèvement ultime, et qu'il y avait vraiment des difficultés. Le Comité national d'éthique, dans son avis 72, qui fait 4 pages, donc qui est extrêmement court, d'une brièveté absolument hallucinante. Il y avait deux parties, une partie technique sur laquelle il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, et une partie philosophique. Une partie philosophique qui avait été écrite par Monique Cantos-Perver, qui était d'une pauvreté absolument affligeante. C'était absolument pauvre. Il y a un mot sur Lévinas, mais je ne suis même pas sûr qu'il est vraiment cité, qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas de pensée. Et il y a marqué que tout le débat éthique peut être résumé au film Les yeux sans visage. Les films Les yeux sans visage, c'est un vieux film des années 50 avec Pierre Brasseur. De Georges Franju. Voilà, exactement. Et Pierre Brasseur tue des jeunes femmes pour prélever leur face pour réparer sa fille qui est atteinte d'une maladie qu'il ne peut pas réparer. Et en fait, ce film, c'est plus un film sur la relation père-fille, l'amour, et jusqu'où on peut aller. Et j'ai trouvé que c'était d'une pauvreté de dire ça. C'est comme si on disait tout le débat sur la conquête de l'espace peut être résumé par On a marqué sur la Lune avec Tintin. Mmh. C'est d'une pauvreté affligeante. Bon. C'est du passé, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées derrière, on a vu la finalité de ce type de greffe, reste exceptionnelle malgré tout. Dans quelle mesure est-ce que c'était indispensable pour vous de demander son avis au comité consultatif ? Il est bien consultatif, hein, national d'éthique, ouais. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que vous auriez pu faire sans ? Qu'est-ce que vous attendiez que ce comité Alors, vous a pas donné ? Jean-Michel Dubernard, qui a fait la première greffe de main de l'ère moderne, il faut dire que la première greffe de main a été faite en 63. Très tôt. Avant, très très tôt. Mais on n'avait pas les traitements par une équipe sud-américaine. Et par la suite, Jean-Michel Dubernard, en prenant les travaux qui avaient été faits par des Américains, a pu faire ces greffes de main de l'ère moderne qui ont pu rester être fonctionnelles. Il m'a dit, écoute, l'Antieri, t'es un con, t'aurais jamais dû demander, t'avais qu'à le faire. D'abord, j'étais un jeune chirurgien, j'avais pas la puissance pour pouvoir le faire et pour franchir toutes les étapes. Et puis, ça me paraissait tellement important d'avoir cet avis pour pouvoir. Là, on rentrait dans autre chose, et puis on rentrait dans une ère qui est différente aujourd'hui. Dans une ère où on doit avoir le consentement du patient dans le cadre de la recherche. Et moi, j'avais dit, il y a un inconnu, il y a tellement d'inconnus dans cette greffe qu'on doit le faire dans le cadre d'une recherche. Il y a des lois qui définissent ça, alors que dans les années 60-70, on n'avait pas ce même principe. Et ces lois font que quand vous rentrez un patient et que vous avez une question scientifique et une inconnue, c'est de la recherche. Si c'est juste améliorer un traitement, c'est l'innovation. Il y a une grande différence entre la recherche et l'innovation. Moi, je suis plus un chirurgien innovateur qu'un chirurgien chercheur. Je n'essaie pas de découvrir. J'ai beaucoup amélioré des tas de techniques. Là, la greffe de visage, c'était de la recherche. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une question et il y avait des tas de choses. La technique de greffe n'existait pas. Il fallait définir la technique chirurgicale, définir des tas de choses. Et à partir de là, je me suis dit, il me faut un avis éthique. Et c'est pour ça que j'ai demandé à l'avis du Comité national d'éthique. Mais donc, ça veut dire que la dimension éthique intervient dans votre travail ? Le chirurgien n'est pas que celui qui est muni d'un scalpel et opère des opérations techniques ? Ah, forcément non, ça me paraît extrêmement évident. L'acte que je fais, en plus, moi qui fais essentiellement de la chirurgie de la qualité de vie, le chirurgien plasticien pour ça, il y a un comportement éthique important de savoir qu'est-ce qu'on fait, quelle est la finalité. Est-ce que réellement, lorsqu'on fait un acte, on va améliorer la qualité de vie du patient ? On a l'exemple récent des frères Bogdanov qui sont morts sur une télévision... de news sur BFM, on m'avait posé la question, cette transformation du visage qu'ils avaient faite, et j'avais dit que c'était une transformation qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est la même chose que la transformation à la Michael Jackson, où les premières interventions, oui, il y a une amélioration, le nez est plus fin, puis petit à petit, c'est une course en avant vers un absolu qu'on ne peut pas atteindre. Et certains chirurgiens, certains médecins esthétiques se lancent dedans parce que c'est une célébrité, qu'il faut le faire, parce que le patient l'a bien demandé. Quel est l'absolu recherché? C'est quoi, C'est un absolu qui devient irrationnel, ce qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est-à-dire que le patient est persuadé qu'il lui faut un manteau plus important, que c'est ça qui va lui donner un vrai visage, qu'il lui faut un nez plus court, qu'il lui faut les paupières remontées, des pommettes remontées. Et vous allez vers ça, alors que jamais ça ne le satisfait. Et c'est un des grands problèmes aussi d'une partie de ma spécialité, qui est la chirurgie esthétique, c'est de trouver le juste milieu, et en particulier avec tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux où on diffuse largement des images et où tous les Instagrammeurs suivent les influenceurs, c'est difficile aujourd'hui de remettre sur la réalité. Ne pleure pas, ma chérie, je t'en supplie. Je réussirai, je te jure. Je n'y crois plus. Tu n'as aucune raison de douter de moi. Bon Dieu, on sait ce que je vaux, non? Tu auras un vrai visage, hein? Je te l'affirme. On m'a enlevé les miroirs. Mais il y a les vitres qui me reflètent. Quand la fenêtre est ouverte, il y a tout ce qui brille. La lame des couteaux. Le bois verni. Ma tête me fait peur. Mon masque me fait plus peur encore. Soyez confiante, Christiane. Regardez-moi. Est-ce qu'il n'a pas déjà réussi sur moi? Vous aviez un visage, vous. Abîmé, peut-être, mais pas détruit comme le mien. La relation interhumain, je l'analyse comme étant, avant tout, une responsabilité, et comme si, dans l'approche d'autrui, dans la proximité avec autrui, par-delà l'image que je me fais de l'autre homme, qui a des yeux, qui a un nez, qui a une bouche, qui a un corps, le caractère spécifiquement expressif d'autrui, le visage, et d'ailleurs le visage, tout le corps humain est visage, n'est-ce pas? Plus ou moins. Je veux dire, ce qu'il y a d'expressif en réalité dans l'humain, c'est ce qui m'ordonne de le servir. Et par conséquent, un des moments essentiels du visage, c'est qu'il me demande et qu'il m'ordonne. C'est la signifiance même du visage et qu'est cet ordre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Georges Franju, Emmanuel Lévinas et le professeur Laurent Lantieri sont avec moi en studio ce matin dans le cadre de cette série d'émissions autour du handicap. Vous citiez le film Les yeux sans visage, qui est une référence incontournable, j'imagine, au sujet de la greffe de visage. Et je voudrais qu'on le commente à la lumière de ce que dit Lévinas, qui c'est très intéressant parce que Lévinas dit bien, c'est le corps humain tout entier qui est un visage. Il refuse de distinguer ce que vous appelez la face du reste du corps. Oui, absolument. Et il rajoute même, je ne connaissais pas cette interview de Lévinas, qu'on a un devoir. Et ce devoir, il est un devoir vis-à-vis de ce visage et vis-à-vis de ce corps. Et le devoir du chirurgien, il est là. Le devoir du chirurgien. Vous parlez de devoir. Et oui, le devoir du chirurgien. D'ailleurs, on a un droit qui est absolument extraordinaire. On a le droit, nous, d'ouvrir les corps. On a le droit de prendre un couteau et de le fendre. Moi, j'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de prendre un couteau et de couper quelqu'un. Vous commettez un crime si vous le faites. Et moi, c'est un droit. Et s'il y a un droit, il y a un devoir. Il y a un devoir très important qui est ce devoir du chirurgien à qui on a donné ce droit extraordinaire, qui suscite parfois quelques jalousies d'ailleurs, ce droit extraordinaire de pouvoir rentrer dans le corps des gens et profiter quand ils sont endormis pour pouvoir tout changer, tout remettre. Bon, ils sont consentants généralement. Oui, ils sont consentants. Mais vous savez, s'ils sont consentants, mais un patient dit, j'ai subi une intervention. Et chaque fois, je lui dis, non, vous avez bénéficié d'une intervention. L'intervention qu'on vous a faite, elle était potentiellement bénéfique. Vous avez subi un accident, mais on vous a réparé, vous avez bénéficié d'une réparation. On vous a enlevé un sein. Oui, vous avez subi cette mastectomie. Mais la finalité, c'est qu'on vous a traité votre cancer. Et donc, vous avez bénéficié du traitement d'un cancer qui est la chirurgie. Et donc, c'est important de voir ça. C'est que nous, on a un devoir de bienfaisance. Lorsque on naît avec notre lame, notre bistouri, notre couteau, contrairement au criminel qui est malfaisant, nous on a un devoir de bienfaisance. Et ce que dit Lévinas, ce devoir par rapport au corps, il est encore plus présent chez le chirurgien. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de devenir chirurgien? C'est un peu moins que ça. Je veux dire, je n'avais pas. Je pense que c'est un tort de vouloir essayer de faire penser à des jeunes étudiants en médecine, comme on essaye de faire actuellement sur la première année de médecine, de manière stupide, d'avoir des pensées philosophiques. Je n'approche pas la vie aujourd'hui à 59 ans depuis hier, comme je l'approchais lorsque j'avais 18 ans et que j'ai commencé mes études de médecine, bien évidemment. Non, tout ce que je voulais, c'était soigner. Je ne voulais pas vous faire un débat philosophique complet. Surtout que, non, j'avais envie de soigner, point. Et puis j'ai rencontré, lorsque j'étais à l'hôpital Boussicaut, Raymond Villain, qui avait créé SOS Main, et les personnages qui faisaient ça, et on réimplantait des bouts de doigts, et on réimplantait des tas de choses, et puis on faisait de la microchirurgie. Ouais, c'est ça qui me plaît, c'est ça que je veux faire. C'était aussi simple que ça. Mmh. Par la suite, évidemment, le fait de ma pratique, il y a des choses qui sont venues. Mes échecs, c'est les échecs qui vous forment, qui vous fait poser des questions. Quel type d'échec aussi. Ben, vous savez, quand vous faites une chirurgie, il y a une grande différence entre un médecin et un chirurgien. C'est que le chirurgien, ce qu'il fait, c'est l'intervention chirurgicale, et il est le traitement. Et lorsque vous avez un échec d'une intervention chirurgicale, si on a conscience de son métier, eh bien, on se ressent comme étant un échec personnel, comme si on était... Quand vous donnez un traitement qui ne marche pas, c'est un mauvais traitement. Quand vous faites une intervention qui ne marche pas, c'est une mauvaise chirurgie. Ce n'est pas une mauvaise chirurgie parce que vous l'avez mal faite, mais vous pouvez le ressentir comme ça. Donc c'est très très lourd d'être chirurgien. Vous êtes toujours responsable. Ça, vous êtes toujours responsable. Vous êtes toujours responsable. Vous ne pouvez pas dire c'est la faute du patient, etc. Voilà. Non, vous êtes toujours responsable. Cette responsabilité avec cette relation intime que vous avez avec le patient dans lequel vous êtes rentré dans son corps, est quelque chose d'extrêmement lourd. Et je crois que les gens qui nous gouvernent ne se rendent pas du tout compte de la lourdeur que représente et de la charge mentale que représente le métier de chirurgien, surtout quand on essaye de faire des choses et de faire avancer les choses, de faire avancer la chirurgie. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'aujourd'hui, on considère tout ça et que tout ça est un process. Dans les hôpitaux, on pourrait débattre pendant des heures sur la manière dont c'est dans les c'est hôpitaux. C'est beaucoup fait en ce moment d'ailleurs. Oui, c'est beaucoup fait. C'est que tout est lieu que process. Vous faites le process, vous avez fait rempli votre tableau Excel, vous avez fait ça, le process est là. Or non, c'est pas un process. C'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire, c'est un artisanat, c'est du temps qui est pris. Vous savez, là, pour être plus terre-à-terre, imaginez que vous demandiez à Alain Ducasse de faire la cuisine, bah vous achetez le bouquin de Ducasse, vous ne ferez pas la cuisine comme Alain Ducasse. Parce que ce n'est pas qu'un process, c'est un savoir-faire, c'est une relation. Et elle est encore plus forte quand vous faites du soin, parce que là, vous vous adressez à une personne humaine, et la personne humaine, le corps humain n'a pas la malléabilité de la physique. C'est quelque chose qui est très variable d'un patient à l'autre. Et il y a une lourdeur à ça. Et il y a la notion sans doute de performance qui doit rentrer en compte quand on est chirurgien. On dit que vous êtes aujourd'hui vous êtes l'auteur de la première greffe totale de visage en France. Alors ce qui est important quand on fait une première, c'est d'en faire d'autres derrière. C'est ça qui est important. Ça n'a aucun intérêt de faire une première si vous en faites pas derrière. Et c'est d'ailleurs ce qui était important dans le programme de recherche que je faisais, c'est d'en faire plusieurs pour pouvoir l'évaluer. Ça dépend de la question que vous posez. Si la question philosophique, c'est « peut-on marcher sur la Lune ?», effectivement, vous avez besoin que d'Apollo 11 et de Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune. Mais si la question, c'est « peut-on conquérir l'espace ? Peut-on vivre sur une autre planète ?», alors là, il faut un programme qui est beaucoup plus long. Quelle est la question que vous vous posez Le chirurgien, mais moi, en tant que professeur de chirurgie, mon rôle, c'est trouver des nouveaux traitements, faire des nouvelles innovations, les évaluer et ensuite les transmettre. Si vous faites qu'une première et vous ne faites rien derrière, ça n'a aucun intérêt. Mon travail de professeur de chirurgie n'a pas d'intérêt. C'est ça qui est important. Le cœur greffé se fatigue quand même plus qu'un cœur normal. Mais ce qui est remarquable là-dedans, c'est, je dis sans coquetterie, sans faire de manière, c'est vrai, c'est une sorte de cadeau aussi qui m'a été fait d'entrer dans une expérience absolument contemporaine, résolument moderne, comme dit Rimbaud, c'est-à-dire de justement que ma vie soit prolongée jusqu'à présent de 21 ans par des possibilités techniques qui n'existaient pas à peine 10 ans avant que j'ai cette greffe du cœur. Et d'autre part, cette inscription très forte dans un contexte technique fait que un jour, je ne sais pas, il m'est venu le mot de écotechnie. Pour dire, il n'y a pas seulement l'écologie qui semble toujours renvoyée au milieu naturel, mais nous sommes aussi dans un milieu technique. C'était la voix du philosophe Jean-Luc Nancy sur France Culture en 2012. Jean-Luc Nancy qui a bénéficié, non pas subi, j'ai retenu la leçon, d'une transplantation cardiaque en 1991. Et il met au point ce concept d'écotechnique pour dire que finalement, la ce qui se passe lorsque une greffe a lieu, que ce soit une greffe du cœur et j'imagine aussi du visage, c'est aussi, il y a les dimensions éthiques, la dimension d'identité personnelle, ce qu'est un visage, ce qu'est un cœur, etc. Mais c'est aussi le fait que des corps vont être articulés par la technique. C'est vraiment la rencontre des deux, professeur Nancy. Oui, il y a plusieurs choses dans ce qui est dit là. D'abord, ce que je retiens, c'est que Jean-Luc Nancy dit qu'il a participé à un progrès, à une recherche. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on fait une recherche aujourd'hui, une recherche humaine, depuis les horreurs de la Shoah où on a fait n'importe quoi dans les camps de la mort, le patient n'est pas l'objet de notre recherche, il est le sujet de notre recherche. Mmh. C'est « je décide de participer à cette recherche ». Et c'est très important de voir ça, et dans ces greffes que nous avons faites, il était le sujet. Et pour revenir sur l'autre aspect, l'aspect technique. Dans une greffe, on va vous parler de l'immunologie, de tas de choses, mais au départ, il y a un geste très technique. La première chose, c'est un de mes collègues qui était transplanteur hépatique, il me disait, mais la première chose que tu fais dans une greffe, c'est d'abord l'outil technique, savoir faire. Et l'anatomie est à la base de ça. L'anatomie, qui semble être une science révolue, en fait non. L'anatomie nous permet de développer des nouvelles techniques chirurgicales. Et on retourne vers ces corps, et là aussi, il faut remercier la société de nous autoriser à pouvoir manipuler ces corps de gens qui ont donné leur corps à la science. C'est pas la même chose de donner son corps à la science que d'un don d'organe. Donner son corps à la science, vous donnez votre corps qui pouvoir être disséqué pour pouvoir faire de l'enseignement et de la recherche. Et c'est un geste altruiste, parce que c'est un geste qui va au-delà de la mort, c'est-à-dire qu'au-delà de la mort, mon corps va servir pour donner de la vie, pour pouvoir faire de la recherche. Et donc c'est grâce à des travaux que nous avons faits en anatomie, en retournant au laboratoire d'anatomie, qu'on a pu développer une technique chirurgicale qui n'existait pas. Et c'est vraiment ça, c'est une recherche anatomique, de même que dans les années 60, le professeur Cueno avait défini le foie, et que le foie n'était pas unique et qu'il y avait une segmentation, plusieurs éléments dans le foie. Grâce à cette recherche anatomique, on a pu faire une technique chirurgicale. Et c'est pas un truc virtuel dans un laboratoire avec trois pipettes et deux petites cellules, qui sont certes importantes. Nous, en tant que chirurgiens, ce qui nous intéresse, c'est le tissu, c'est la masse. Et il faut apprendre ça, il faut rentrer, et l'anatomie est élément fondamental, c'est l'alphabet de la chirurgie. Est-ce que vous pouvez nous décrire, en vous adressant aux novices que nous sommes, non chirurgiens nous sommes, une partie de cette technique de la greffe du visage, parce que vous l'avez dit en début d'émission, une greffe totale du visage, vous allez greffer jusqu'aux muscles des paupières? Oui, il ne s'agit pas de remplacer juste la peau. Lorsqu'on remplace la peau, on fait ce qu'on appelle une autogreffe, on va prélever de la peau sur une cuisse et on va la mettre pour recouvrir. Mais là, l'idée de ces greffes, c'est qu'il faut retrouver la fonction. Et ce qui est détruit, c'est par exemple le muscle des lèvres. Le muscle des lèvres totalement détruit, on ne peut pas le réparer. On peut réparer certains muscles en transférant des muscles, on peut réparer des nerfs en transférant des nerfs, mais lorsque c'est trop complexe, il y a trop d'éléments, alors là, on va chercher un élément anatomique complet ailleurs. Et on peut prélever donc sur la face du donneur l'ensemble des muscles, des nerfs, et des vaisseaux qui vont irriguer l'ensemble. Et on va rebrancher. Mais alors, pardon, on s'arrête là. Cette première étape, comment on fait pour prélever ça? C'est avec un scalpel, on découpe le contour de la face? On dit un bistouri en chirurgie. Un bistouri. Merci pour le vocabulaire. Vous êtes aussi là pour nous apprendre à parler. Oui, on découpe la face, absolument. C'est de la chirurgie. Donc, c'est de la chirurgie sur un donneur. Donc, il y a une technique chirurgicale de prélèvement. De même qu'il y a une technique chirurgicale du prélèvement du cœur pour une greffe cardiaque. Et une technique chirurgicale du prélèvement du foie pour une greffe hépatique ou pour une greffe rénale. Donc, il y a une étape où vous... Il y a une étape où quand on va sur le donneur, on va enlever totalement la face du donneur. On va prélever tout jusqu'à l'os et éventuellement l'os si on en a besoin. Et ce que l'on fait avant, c'est qu'on va faire un masque du donneur pour pouvoir restaurer et rendre à la famille le donneur réintégré, réhabilité. Donc on respecte le visage du donneur, mais on ne respecte pas sa face puisqu'on a besoin de sa face pour le prélever. Donc il y a un moment où la face, elle est sur aucun corps. Elle est sur aucun corps. Et donc il y a un problème de savoir à qui appartient cette face. D'ailleurs, ça c'est un autre problème, on pourrait discuter. Donc cette face... elle n'est sur aucun corps. Elle est transportée dans un solité de conservation. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape de prélèvement, et la technique du prélèvement est importante. Puis il y a le transport, et la technique du transport est importante. Et puis il y a la greffe, où on va resuturer l'artère et la veine. Et la première étape que l'on voit, c'est quand on fait une artère, on voit le sang revenir, et le visage qui était blanc... livide, mort, reprend sa vie avec le sang qui arrive, car c'est vraiment le sang qui permet de faire revivre. Et puis ensuite, on rebranche les différents éléments, les muscles et les nerfs. Et pour les nerfs, parce que les gens posent toujours une question, mais les nerfs, ça ne pousse pas. Si, les nerfs, ça pousse. Un nerf, c'est comme un fil électrique. Il y a une gaine, comme la gaine de plastique qu'on appelle la gaine de Schwann, et à l'intérieur, il y a le fil de cuivre, qu'on appelle l'axone, qui lui va repousser. On va greffer ce nerf juste en dessous de l'oreille, le nerf de la face qui permet d'animer le visage, et part en dessous de l'oreille. Donc on va le greffer là, on va le suturer là, et il va repousser d'un millimètre par jour. Donc le patient qui a cette greffe va voir son visage s'animer au bout de 2-3 mois, simplement. Et petit à petit, et c'est à ce moment-là qu'il intègre son nouveau visage, et je parle bien de visage, c'est-à-dire un moment où la fonction renaît. C'est la même chose dans les greffes de main que l'on a fait. Lorsqu'on fait une greffe de main, on sent que le patient réintègre sa main lorsqu'il commence à sentir et lorsqu'il commence à bouger, lorsque les nerfs ont repoussé. Et pour l'histoire importante, parce qu'on pense une greffe de main, on se dit bah, il y a des prothèses qui nous permettent de vivre, qui nous permettent de faire des tas de choses. Mais enfin, la prothèse que l'on voit de Luke Skywalker et qui permet de tenir, elle n'existe pas. Et il y a une partie qui n'est pas dans les prothèses de main, c'est qu'elles ne sont pas sensibles. Et hier, Laura, qui est une patiente qu'on a greffée des deux mains en 2016, qui avait eu une amputation des quatre membres à la suite d'une infection gynécologique, donc un drame total, à 19 ans, elle s'est retrouvée amputée des quatre membres. Pendant 9 ans, elle a porté des prothèses, elle n'en pouvait plus, donc on l'a greffée des deux mains. Et hier, elle a donné naissance à son premier bébé. Je ne sais pas si elle en aura d'autres, mais en tout cas, voilà. Et la beauté de ça, c'est qu'elle va pouvoir porter son enfant au sens je peux le porter avec mes mains et je peux le sentir. Et ça, c'est quelque chose qui va... Voilà, on peut parler d'éthique si tu veux, mais c'est plus que la fonction. C'est vraiment redonner de la dignité au patient. Et le fond de cette chirurgie, de ces greffes, de cette chirurgie ultime, c'est au-delà du geste technique, au-delà de la fonction qu'on peut analyser, c'est de redonner la dignité. Et si on peut retenir, puisque c'est des sujets sur le handicap, ce qui est important dans le handicap, dans ce que l'on fait dans le traitement du handicap, c'est de redonner la dignité au patient, qui peut être sur une chaise roulante, rester sur une chaise roulante, mais il doit être digne. Et je trouve par exemple que dans la ville de Paris, où on ne fait pas ce qu'il faut pour que les gens qui sont en chaise roulante puissent rouler, eh ben, on va contre leur dignité. La dignité, c'est que quelqu'un en chaise roulante dans cette ville puisse rouler correctement et puisse ne soit pas obligé de pousser les chaises, les cafés ou n'importe quoi, et qu'on puisse rendre sa dignité. Le handicap, nous, notre but en tant que chirurgien, c'est de restaurer les corps pour leur rendre une dignité. Et la société doit aussi aider les handicapés à retrouver une dignité, une place dans la société. La dignité, c'est aussi une question que s'est posée le journaliste Philippe Lançon, qui a été blessé aux attentats contre Charlie Hebdo en 2015 et qui a bénéficié d'une greffe du visage. Il décrit ce processus. C'est pas une greffe de visage, il a bénéficié d'un lambeau. D'ailleurs, son livre s'appelle Le Lambeau. Donc on lui prélève un péroné, donc un élément de la jambe, et cet os est vascularisé, et lorsqu'on le coupe, on peut refaire une mâchoire avec. Et donc ça, c'est des techniques que je fais tous les jours, c'est une technique conventionnelle. Il n'avait pas besoin d'une greffe de visage, d'une allogreffe, parce qu'il n'y avait que l'os à restaurer chez lui. Et il décrit ce processus extrêmement long, fastidieux et douloureux dans ce texte, donc dont voici un extrait. J'ai vite appris que la chirurgie est du grand art et du bricolage incertain, mélange de technique, d'expérience et d'improvisation. On ne choisissait généralement pas entre deux solutions, la bonne et la mauvaise, mais entre plusieurs possibilités qui présentaient toutes des inconvénients. Il fallait les mettre en balance avec les avantages. Je suis assez vite devenu le chroniqueur en chambre de ma chirurgienne. Puisqu'elle refaisait de moi un homme avec un visage, tous ceux qui passaient devant moi devaient faire d'elle une héroïne. À elle l'action, à moi le récit. Les romans de chirurgie sont des romans de chevalerie. Je la comparais volontiers, en présence de mes amis, à un excellent joueur d'échecs, Fischer, Kasparov ou Capablanca. Elle connaissait toutes les combinaisons maxillofaciales, elle calculait ses coups à l'avance, sa technique était sûre, et sa passion du geste, exagérée comme toute passion. Mais elle devait aussi, face à certains cas comme le mien, qui relevait du défi aussi bien chirurgical que social, faire preuve d'intuition et d'imagination. Je relevais autant de la menace que du défi. Avant la greffe de mon péroné sur la mâchoire, elle m'a dit paisiblement « Ça marche dans un peu plus de 90% des cas. Si ça ne marche pas, on recommence avec l'autre péroné et avec une équipe différente. Il n'y a jamais d'échec complet. » Le service était d'ailleurs réputé pour ses péronnés, on en faisait environ 90 par an. Mais longtemps après la réussite de cette greffe, elle m'a dit un jour en consultation « Savez-vous ce que vous avez traversé ? Quand la greffe du péroné a eu lieu, on n'en menait pas large. Si elle avait raté, c'est nous qui plongions tous avec vous. » Je l'ai regardé, stupéfait. Cette expression me fit sentir la violence que cette histoire lui avait imposée. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. J'imagine que vous connaissez ce texte. Bien sûr, j'ai lu. Et qui, j'ai lu, je connais très bien le chirurgien Chloé Berthelus, qui est une femme tout à fait remarquable, et je salue ici. Ce qu'il y a de très émouvant dans tout le roman, qui en est fait absolument magnifique, c'est notamment le type de relation que ici le patient, puisque c'est du point de vue du patient, va lier avec le chirurgien, la chirurgienne en l'occurrence, qui est en charge de reconstruire son visage. C'est cette relation entre la relation soignant-soigné est toujours une relation particulière. Elle est encore plus particulière entre le chirurgien et son patient. Lorsque la chirurgie est banale et qu'on l'oublie, ça pose pas tellement de problèmes. Sauf que les patients disent « Ah, mon chirurgien », comme si on dit « mon chirurgien », comme c'est si on était possesseur, comme si c'était quelque chose. Et puis cette relation de confiance est une relation difficile, et cette relation de confiance est encore plus difficile lorsqu'il y a un échec, parce que malgré tout, même le meilleur chirurgien du monde peut avoir des échecs. Et parfois c'est difficile à certains patients qui ont fait confiance jusqu'au bout, d'accepter que ils ont fait confiance à un chirurgien qu'ils pensaient être le meilleur, et qui est peut-être le meilleur, mais malgré tout l'échec est là. Et ça c'est très difficile. Et comme nous plongeons tous... Alors là, oui, il y avait un contexte particulier parce qu'il y avait un contexte d'attentat. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune chirurgien, j'avais eu une patiente qui avait été blessée lors de l'attentat de Saint-Michel et qui avait la jambe explosée. Qui là aussi, j'ai fait un lambeau, donc une auto-transplantation. Et là, tout le monde voulait l'amputer. Et moi, j'étais jeune. J'ai dit non, mais on peut faire autre chose pour essayer de la réparer. Et effectivement, j'en menais pas large parce que je m'étais dit si ça marche pas, tout le monde va me tomber dessus en disant t'aurais pas dû, etc. Et ce qui m'a marqué chez cette patiente quelques années plus tard, c'est que on parle du handicap, donc elle se souvenait très bien d'être sur le quai de Saint-Michel quand ça a explosé et de voir sa jambe à côté qui était broyée. Et elle est revenue quelques mois plus tard après qu'elle soit sortie en rééducation. Elle a laissé sa canne sur le côté, elle a marché, elle est rentrée dans nos bureaux de consultation pour montrer à quel point maintenant elle allait bien. Et elle m'écrivait, elle m'écrit plus, donc je pense que ça va très bien. Et elle m'écrivait régulièrement en disant, je me souviens toujours de cette, je sais plus, c'était au mois de juillet, de ce juillet 95, vous avez sauvé ma jambe et vous avez sauvé ma vie. Et c'est là l'expression vraiment de la restauration du corps, de la restauration qui l'empêchait d'avoir un handicap, qui aurait été une amputation. Malgré tout, elle marchait pas très bien, mais elle n'était pas handicapée au sens d'amputation. Ouais. C'est important, cette chirurgie réparatrice que je fais, des membres de la face et tout, c'est de pouvoir restaurer les corps, de ces greffes de main aussi, de ces greffes de face, de pouvoir restaurer les corps afin de retrouver de la dignité et puis surtout de la fonction pour que les patients retrouvent une vie. C'est exactement son expression, trouver une vie normale. Et quand décidez-vous de procéder à la greffe ? C'est une demande du patient ? C'est une... Sur une greffe de visage, sur une greffe de main. Donc il y a deux choses. Hein. Là, on a parlé du lambeau, de l'hançon, etc. Ça, c'est de la chirurgie conventionnelle. On ne décide pas vraiment. C'est-à-dire, on propose ce traitement au patient. C'est un traitement. La chirurgie, c'est un traitement. Il faut bien avoir conscience que la chirurgie, c'est un traitement. Parfois, ce traitement ne marche pas, et donc on fait un autre traitement. Comme vous avez une chimiothérapie qui ne marche pas, et vous faites une autre chimiothérapie. Donc c'est un traitement, et donc on propose ce traitement, qui est un traitement qui a été validé. Et puis, lorsque vous n'avez pas de solution sur un traitement conventionnel, habituel, et bien vous proposez un traitement qui est plus exceptionnel. C'est-à-dire ces greffes de face ou ces greffes de main, parce que c'est un autre traitement, et c'est un traitement qui nécessite plus de ressources et plus de savoir. Et comme tout traitement, ce traitement peut avoir besoin d'être évalué. C'est pour ça qu'initialement c'était de la recherche, parce que c'était un nouveau traitement et qu'il fallait l'évaluer. Aujourd'hui, les greffes, même si elles restent exceptionnelles, ne relèvent plus de la recherche, ça relève de l'innovation, c'est-à-dire qu'on améliore en permanence ce qui est connu, et donc ça permet de... même de manière exceptionnelle, de proposer ce type de traitement à quelques patients. Pour revenir à ce que je disais au début de l'émission sur Axel, qui a été greffé il y a maintenant 3 mois, en fait, ce sont mes collègues de Percy qui m'ont appelé en disant « Les traitements conventionnels que nous allons avoir ne vont pas restaurer la fonction à ce jeune homme. On a besoin de toi, Laurent, il faut qu'on le fasse ensemble. » Et donc, on a proposé à sa famille d'abord parce qu'il n'était pas conscient, mais ensuite au patient, ce traitement pour pouvoir lui redonner une face. Et lui a dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Ben justement, y a-t-il des patients qui préfèrent ne pas avoir recours à la greffe? Que ce soit des mains ou du visage d'ailleurs? Oui, il y a des patients qui disent qu'ils vivent très bien. De même, on voit, j'ai oublié ce nom de ce personnage qui traverse la Manche à la nage alors qu'il est amputé des... Théo Curin. Voilà, exactement. Il est amputé des deux membres, des quatre membres, et il vit très bien avec. Donc il ne veut pas de greffe et je ne veux pas aller lui pousser en lui disant il faut absolument que je vous fasse une greffe pour que ça aille bien et que vos mains fonctionnent. Oui, très bien. Mais il faut pouvoir offrir cette... Et ça peut être réversible? Une greffe peut-elle être réversible? Bah oui, c'est un peu difficile. Si on fait une greffe et que ça ne va pas, c'est qu'on a fait un mauvais choix. Une greffe peut être réversible au sens qu'on peut perdre la greffe. Ça, c'est un problème. Ça, c'est une difficulté, en particulier sur la greffe du visage, où on savait que si on perdait la greffe, on aggravait le patient. Donc le choix est très difficile. Alors qu'une greffe de main, bah, si ça marche pas, on enlève la main qu'on a mis en place. Le choix du patient, ça reste le choix du patient. On propose ce traitement, on n'a pas à l'imposer. Les patients peuvent très bien vivre et disent non, finalement, je vis très bien comme ça, je m'adapte. Mais le rôle que j'ai, moi, en tant que professeur de chirurgie, c'est justement de pouvoir développer ces nouveaux traitements et pouvoir les proposer aux patients. Et bien sûr, c'est le patient qui décide, au final, de son choix. La relation entre le praticien et son patient... Quel que soit le niveau du traitement, c'est bien sûr le patient qui choisit pas son traitement. C'est pas exactement le terme. Qui accepte ou non de faire ce traitement qu'on lui propose. Mais un patient greffé peut être considéré comme handicapé au même titre qu'un patient amputé. Le patient greffé, le but c'est qu'il ne soit plus handicapé. C'est de le faire retrouver d'abord sa dignité et puis sa fonction qui lui permet de retrouver une vie normale, le plus normale possible. Alors il aura un traitement, c'est toujours le débat, c'est dire qu'on transforme un handicap en une maladie puisque le patient va avoir un traitement à vie. Et c'est le fond du débat de ce que l'on fait, mais on peut dire la même chose sur une greffe rénale ou une greffe rénale où quelqu'un qui n'a pas de greffe est obligé d'aller régulièrement se faire dialyser et on le fait une greffe qui n'est pas vitale, on peut vivre sans greffe rénale et on le transforme avec une autre forme de maladie. Merci beaucoup, professeur Laurent Lantieri, d'être venu ce matin nous parler de votre travail de greffe et de handicap. Je renvoie notamment à un ouvrage que vous avez écrit avec Alexandre Duyck, Chaque visage a une histoire, aux éditions Flammarion. On se quitte comme on a commencé cette émission, c'était avec les gueules cassées et le général Picot. Et ben, on va se quitter avec les gueules cassées, mais de mieux sec cette fois-ci. Se rendre, qu'ils n'ont pu résister à la pluie, au vent, aux éléments déchaînés. À tous mes amis, à toutes les gueules cassées qui se sont laissées surprendre, juste en bas de la jetée, par la marée montante, par une belle nuit. À toutes les gueules cassées qui n'ont jamais pu se rendre, qui n'ont pu se calmer. À tous mes amis, à toutes les gueules cassées qui n'ont jamais pu se rendre, qui n'ont pu se calmer. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la chronique quotidienne philosophique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment l'exception peut-elle confirmer la règle?